Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Fahada huwa darsuna al-thani. Et هذه الرسالة النافعة تفسير سورة الفاتحة للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. On continue nos dourous في تفسير سورة الفاتحة l'explication de سورة الفاتحة de الشيخ العثيمين رحمه الله. وفي الدرس الأول قرأنا بعض كلام أهل العلم في أهمية التفسير. Une brève introduction, on avait lu quelques paroles de nos imams rahmatullah alayhim sur l'importance de donner du temps à ce ilm, ilm al-tafsir, ilm al-Qur'an. Et on avait cité ba'd al-kutub fi hadha al-bab. On a cité des références, man yathkur, des références fi tafsir. Tafadhal. Tafsir al-Sa'di. Tafsir al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi. وهو مختصر نحن نتخنبون نعتني به كثيرا فإلي مختصر donc son tafsir il est طيب c'est un tafsir résumé et حقيقة chaque طالب il doit avoir ce tafsir معه surtout quand il lit القرآن فإذا أشكل عليه شيء ينظر ما ماذا قال أهل العلم c'est important هذا pour ceux qui maîtrisent la langue arabe et ceux qui ne maîtrisent pas inshallah ma'a al-waqt ils font des efforts fi al-lugha et si idha ashkal alayhim shay yas'alun wa huna tanbih anna y a un tafsir qui est propagé à notre époque tafsir al-jalalayn c'est un tafsir كذلك il est mukhtasar et il est très simple et il est propagé fi al-umma que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les mosquées. Et هذا التفسير فيه ملاحظات لأهل العلم. Il y a des erreurs في هذا التفسير. Ils l'ont traduit, il est beaucoup propagé. Tafsir al-Jalalayn. Enfin, il a été écrit par deux auteurs, As-Suyuti et un autre. Et les deux, leur laqab c'est Jalal al-Din. C'est pour ça qu'ils ont appelé Tafsir al-Jalalayn. كما قلنا أن هذا التفسير يا دي زيغور في العقيدة لأن لي دو زوتور كي لون إكري تأثروا بعقيدة الأشاعرة فيحرفون فالمسلم خاصة لو ديبيتون يحذر سي بور سا كون انسيستي دو روفينيغ أو تفسير دو الشيخ سعدي أما تفسير الجلالين في الحقيقة سي أون تفسير الشيخ سعدي ولله الحمد أون با بوزون فتفسير الشيخ سعدي فيه ما في تفسير الجلالين وزيادة خير ولله الحمد يا باد ديغور في العقيدة فالشيخ سعدي سان إمام في السنة أما السيوطي رحمة الله عليه فمعروف حاله أنه il avait des erreurs في العقيدة et dans d'autres choses فالمهم أن خاصة المبتدئ quand il achète des livres Et fais attention de ne pas acheter des livres où il y a des erreurs khasatan fil aqida. Surtout quand tu as un autre livre qui prend sa place. Walillahi alhamd, ka tafsir al-Sheikh Sa'di. Rabbama, un débutant, shibhu ammi, yaqra, khasatan fil tafsir ayat al-sifat, rabbama yata'athar, liannahu il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour comprendre. Rabbama ma darasa al-aqida. ربما تدخل عليه هذه الشبهه ليكسبليك الصفه اما باللازم اما كما نكسبليكي مع بعض الاخوان في كتب الاسماء والصفات كسواء اللمعه او الواسطيه او القاعده المتلى المهم هذا التفسير فيه ما فيه مع انه il est très simple il est طيب في بعض الجوانب لكن ses erreurs الانسان يجتنب et revient à تفسير الشيخ سعدي رحمه الله عليه Un autre tafsir tayyib, Faddal, Naam, tafsir Ibn Kathir. C'est une référence. C'est min ahsan at-tafasir. Et d'autres qu'on a cités, fi d-dars. نبدأ في القراءة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم، وقد قيل إنها أول سورة نزلت كاملة أو نزلت كاملة. Il a cité deux points هنا. أي pourquoi cette sourate elle a été appelée sourate al-Fatiha. Et كذلك il a démontré رحمة الله عليه أنها c'est la première sourate qui a été révélée complètement au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك, avant de détailler قليلا ces deux points, أولا يعلم أن هذه السورة مكية. C'est une sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam la période où il était encore à Mecca. Il n'était pas à la Médine. On précise ici un ta'bir de dire la période de Mecca, c'est ahsan de dire fi Mecca. Il y a des versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il n'était pas à Mecca. Les ulama disent que cette ayah ou cette sourate mekkiya. وهكذا المدينة. Pour bien comprendre ce bab, tu partages en période أحسن الزمن والمرحلة quand il était à Mecca عليه الصلاة والسلام et quand il était في المدينة. مثلا quand il était في المدينة, quand il a fait l'hijra, il est retourné à Mecca عليه الصلاة والسلام. فالي versets qu'il a reçus, العلماء يديز أنه من القرآن المدني. لماذا؟ لأن le verset a été révélé après l'hijra. On va ne pas comprendre que quand les ulama ils disent Mekki, forcément un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était à Mekka. Peut-être qu'il était autre part. Lakin, il y a deux marhala, il y a deux périodes. La période mekkoise, ils traduisent Hakada. Quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore fait l'hijra, la première partie de l'Wahi, quand il a reçu la révélation jusqu'à l'hijra, thumma la période fil Medina. Après l'hijra, jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Famina al-Qur'an, il y a des sourds, des versets. Des sourates mekkiyah et Coran, il y a des sourates madaniyah. Al-Fatiha, si vous avez compris ce point, c'est une sourate mekkiyah. Elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'hijra. Il était encore à Mecca alayhi salatu wa sallam. Ou Ibn Rajab rahmatullah alayhi, dans son tafsir, il a cité un. العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن قول الأكثر la plupart des savants يقولون أنها مكية et c'est صحيح. D'autres savants يقولون أن سورة الفاتحة c'est une سورة مدنية. وهذا لا. On verra إن شاء الله ensemble un دليل واضح أن هذا القول il est pas صحيح. أي que الفاتحة a été révélée après الهجرة, la période quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était à Médine. وهذا c'est pas صحيح. بعض العلماء فصلوا وقالوا انها لا été révélée مرتين sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé deux fois, une fois à Mecca et une fois في المدينة. وهذا كذلك فيه نظر. الصحيح c'est que سورة الفاتحة c'est une سورة مكية. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه والقول الصحيح انها نزلت بمكة. فإن سورة الحجر تأملوا الآن معي suivez bien. سورة الحجر c'est une autre سورة. Elle a été révélée قال ابن رجب رحمه الله فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق. سورة الحجر elle a été révélée la période mekkoise. النبي صلى الله عليه وسلم il n'avait pas encore fait l'hijra. وهذا بالاتفاق il n'y a pas de خلاف إجماع العلماء que سورة الحجر c'est une سورة مكية. الآن للين avec سورة الفاتحة قال رحمة الله عليه وقد أنزل الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Dans ce ou dans cette sourate من سورة الحجر الله سبحانه وتعالى il a révélé au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم c'est un verset de سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أي Allah subhanahu wa ta'ala yaqul annahu il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 7 min al-mathani et c'est sourate al-fatiha. Ça montre, on fait le lien, ça montre anna Surat al-Hijr, elle a été révélée à Mecca. Et dans Surat al-Hijr, on a ce verset qui montre que Surat al-Fatiha a déjà été révélée. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala qala wa laqad atainaka, et nous t'avons révélé. Ça montre que ça a déjà été révélé. Si Surat al-Hijr elle est Mekkiya, forcément Surat al-Fatiha a été révélée avant, donc elle est Mekkiya. C'est pour ça que c'est important, هذه المسائل اي ما يتعلق بالقران المدني والمكي, de comprendre que c'est par rapport aux périodes, c'est pas forcément al-ard. Il y en a, il y a beaucoup de versets qui ont été révélés en dehors de Mecca et de Médine. Et on dit imma makki imma madani par rapport à la période. Enfin, sourate al-Hijr elle a été révélée avant la Hijra bil-ittifaq, la période mécoise. Et fi sourate al-Hijr on a un délit, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait déjà reçu la révélation de sourate al-Fatiha, donc ça montre que al-Fatiha makkiya ala al-rajih. Et la chèque que c'est le qawl al-sahih, qawl al-imam al-Baghawi, qawl al-imam al-Kathir, qawl al-imam al-Rajab, wa akthar ahl al-ilm sont ala hada. Qal ibn Rajab rahimahullah fa'ulima anna nuzulaha mutaqaddim ala surat al-Hijr, ay nuzul surat al-Fatiha, c'est forcément avant surat al-Hijr, lian elle est mentionnée fi surat al-Hijr, donc elle est déjà révélée. Wa laqad ataynaka ila akhir al-ayah. هكذا قال قاله ابن رجب قلنا كذلك الإمام البغوي رحمة الله عليه في تفسيره أشار إلى هذا وأيضا deuxième دليل premier دليل on a le verset من سورة الحجر celui qui veut le noter بعد c'est le verset numéro 87 vous le noterez dans vos notes ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم deuxième دليل كسيت أهل العلم أن الصلاة فرضت بمكة الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire الصلاة بمكة le prophète صلى الله عليه وسلم il était encore à Mecca ça montre أن الصلاة elle a été rendue obligatoire avant الهجرة وقال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا صلاة بغير الفاتحة فدل هذا أن نزولها كان بمكة وهذا استنباط طيب la salat elle a été rendue obligatoire à Mecca on est tous d'accord avant l'hijra النبي صلى الله عليه وسلم il a fait salat à Mecca une période ثم il a fait l'hijra on n'a aucun délit أن النبي صلى الله عليه وسلم et ses compagnons ils ont fait une salat sans fatiha بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم quand il faisait salat à Mecca ils récitaient surat al-Fatiha. Ça montre que quand ils étaient à Mecca, cette surah, elle était déjà révélée. Ce point, avec le point précédent, min surat al-Hijr, ça nous montre clairement que cette surah, c'est une surah mekkiya. Wa'alim kadhalik, wa hada c'est min bab al-fa'ida, que cette surah, elle comporte 7 versets. Hada c'est wadih. فلهذا قال عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني et on verra est-ce que البسمله c'est un verset من سورة الفاتحة أم لا شيخ ابن عثيمين إلى détaillé قليلا هذا فان le lira ensemble إن شاء الله وهنا cette فائدة c'est من حيث العدد أي les nombres qui concernent سورة الفاتحة 7 versets أما الكلمات فقال أهل العلم 25 كلمة 25 mots 7 versets, 25 mots. Wa amma hurufuha, fa al-ulama ils ont dit 113. Aux 113 lettres, 25 mots, 7 versets. Hadihi fa'ida min hayth al-adad. Et celui qui est intéressé par ce genre de fawa'id fi ma yata'allaq bi al-Qur'an, que ce soit concernant les noms des sourates ou la révélation ou ce qu'on a cité al-Makki ou al-Madani, tout ce qui est lié au Qur'an, les ulama, ils ont écrit beaucoup de livres fi hadha al-bab. Et c'est un bab, les ulama, ils l'appellent ulum al-Qur'an. C'est un bab muhim. T'apprendras c'est quoi la différence entre le Mekki et le Madani. T'apprendras la révélation, c'est quoi le verset qui est descendu le premier. T'apprendras que le Qur'an, il y a tant de versets, tant de mots, tant de lettres. Tout ce qui est lié au Qur'an, c'est un fun muhim. Et من المراجع في هذا الباب c'est كتاب الإتقان للسيوطي et d'autres livres. وشيخنا شيخ أبو عمر وفقه الله تعالى وحفظه إلى un livre كذلك هذا علوم القرآن استفاد ممن قبله إلى rajouté et il a حقق certaines choses. فهذا un kitab طيب. علوم القرآن c'est une matière qui traite tout ce qui est lié au Coran al-Karim. Tu n'étudieras pas l'explication là. L'explication, tu l'étudies dans Kutub al-Tafsir. Mais ulum al-Qur'an, c'est ce qu'on est en train de citer. Tout ce qui est lié à la révélation, al-Nuzul, al-Adad, al-Asma, il a akhiré. On revient à Kalam Shaykh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Qala surat al-Fatiha summiyat bidalik li'annahu ftutiha biha al-Qur'an al-Karim. Fa min asma hadhihi surah al-Fatiha. Et c'est clair pourquoi elle a été appelée Al-Fatiha, لِأَنَّ حَتَّهُمْ les traducteurs, ils la traduisent بعضهم par Al-Fatiha, l'ouverture. Et c'est le commencement. Tu dis فَتَحَ الْبَابِ et il a ouvert la porte. Al-Fatiha, c'est t'ouvre une chose, c'est le début d'une chose. Ils l'ont appelée Al-Fatiha, لِمَاذَا لِأَنَّهَا c'est la première sourate du Coran. وَمِنْ أَسْمَاءِ هَذِهِ السُّورَةِ كَذَلِكَ أَمَا الدَّلِيلِ sur Al-Fatiha, on l'a cité plusieurs fois. Hadith Ubada, radiyallahu anhu, fi sahihain, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Fatiha. Min asma'i hadhihi as-sura kadhalik umm al-Qur'an. Umm al-Qur'an. Wal-umm, c'est connu 'inda al-jami'. Wal-dalil 'ala hadha al-ism qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, kullu salatin لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي chaque salat qui dans laquelle الفاتحة n'a pas été récitée أم القرآن فهي خداج أي elle est pas acceptée كما في حديث عبادة. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بأم القرآن. من أسماء هذه السورة كذلك السبع المثاني. Et on a cité الدليل من سورة الحجر. Al-Mathani, c'est quelque chose qui se répète. Et ces 7 versets sont beaucoup répétés. Fis salawat par chaque musulman. Wa min asma'i hadhihi as-sura kadhalika al-Qur'an al-'azim fi nafsi al-aya. Fa hadha ma yata'allaq bi asma'i hadhihi as-sura. Al-Fatiha, umm al-Qur'an, as-sab' al-mathani wal-Qur'an al-'azim. Thumma qala rahimahullah wa qad qila إنها أول سورة نزلت كاملة. وانتبهوا لقول شيخ ابن عثيمين وقد قيل ما جزم il a pas été ferme en disant c'est la première sourate qui a été révélée complètement. Là il a dit وقد قيل, et on a rapporté, on dit que c'est la première sourate qui a été révélée complètement. والله أعلم بذلك. أما من حيث الدليل on n'a rien trouvé في هذا. Amma, le premier, ou les premiers versets qui ont été révélés, ma'rouf, عند الجميع, inshallah ta'ala, عند من, le premier ou les premiers versets qui ont été révélés sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra. Na'am. Vous êtes d'accord avec Qawl al-Akh surat Iqra? Ou il y a une précision à faire? عند من, تفضل. نزلت سورة اقرأ أولا لكن هل توافقه أن سورة العلق أول ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت. أما إذا قلنا si on dit سورة اقرأ أو العلق ça veut dire que c'est toute la سورة qui est descendue, la سورة كاملة. وهذا لا, c'est les 5 premiers versets qui ont été révélés sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi ghar Hira fi Makkah. Wa hadha huwa sahih. Kama ja'a fi hadith Aisha radiyallahu anha, annaha la montrana awwal ma unzila ala nabiyyina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam min awwal surat al-alaq wa kana fi Hira alayhi salatu wa salam. Tastafid min hadha fawaid al-oula anna at-tartib alladhi ja'a fi al-mushaf c'est pas tartib ala على ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التاريخ. Ne crois pas que quand tu ouvres le mushaf et la première sourate al-Fatiha c'est la première qui est descendue. Thumma al-Baqara c'est la deuxième. Là. Et cette mas'ala on la détaillera pas. Celui qui veut les détails, fi kutub ulum al-Qur'an il détaille jam' al-Qur'an, comment il a été rassemblé le Qur'an. Wa la shak anna sourate Iqra ou le début de sourate Iqra c'est le début de la révélation. Alors que sourate al-Alaq tu la trouves à la fin du mushaf. هذا أولا. ثانيا الله سبحانه وتعالى يغفل دي فيغسي أو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ثم أحيانا يغفل دي زوتر أي بمعنى أن كونت لو ديبي دون سورة إلي غفلي سي با فورسيمون لا سويت إلي غفلي ديريكتومون لا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه من سورة إقرأ لو ديبي ثم يا يو ان طون النبي صلى الله عليه وسلم il a plus reçu la révélation ثم أنزل عليه لو ديبي دو سورة المدثر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. Les premiers versets min surat Iqra, thumma min surat Al-Muddathir. Cheikh Mu'azimin, il a cité une masala huna, la première surah qui a été révélée complètement, c'est surat Al-Fatiha. Allahu a'lam. Ba'd l'ulama yaqouloun bihada, ba'd l'ulama disent c'est une autre surah, fallahu a'lam. Ça demande un délit. C'est pour ça que Cheikh Mu'azimin qu'al wa qad qila. Cette masala, elle demande plus de recherche. قال الشيخ ابن عثيمين هذه السورة قال العلماء إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد والأحكام والجزاء وطرق بني آدم وغير ذلك ولذلك سميت أم القرآن. On a déjà cité le dalil أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a appelé أم القرآن. لماذا؟ لأن cette سورة elle englobe toutes les معاني du Coran, que ce soit التوحيد كما قال شيخ العثيمين مثلا قوله إياك نعبد وإياك نستعين توحيد أي celui qui mérite العبادة c'est الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين توحيد فالملك المالك c'est الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات فمن أسماء الله الرحمن والرحيم ومن صفاته عز وجل الرحمة. Donc هذه الفاتحة لانجلوب ما يتعلق بالتوحيد كذلك الأحكام والجزاء وطرق بني آدم. ابن القيم رحمة الله عليه إلى كلام جميل في هذا يمونتخ شمولية هذه السورة. فمثلا قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سامونتخ طريقة أهل الحق الصراط المستقيم. ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ميز ان غارد كونتر طرق اهل الباطل. تستفيد من سوره الفاتحه توغا لي ديتاي دون دي زوت سور لكن كاهل الباطل اما مغضوب عليهم كاليهود مثلا. بوركوا مغضوب عليهم اي الله الى ان كولير كونتر. لماذا؟ لانهم ازافي دو علم اي زابليكي با. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. من فسد من علمائنا أي celui qui s'égare parmi les علماء, celui qui a du علم, il ne s'est pas égaré عن جهل, il sait, لكن il s'égare عيادا بالله ففيه شبه باليهود, il a une ressemblance aux juifs. كما قال عز وجل غير المغضوب عليهم. Et cet égarement c'est le plus grave. لهذا قدم. C'est pour ça qu'Allah l'a cité en premier. غير المغضوب عليهم. ثم il a cité الضالون ولا الضالين. ثم قال عز وجل ولا الضالين. Ça c'est la deuxième catégorie d'égarement. الضالون. Il s'égare en جهل. كالنصارى. قال الإمام سفيان رحمة الله عليه ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. Celui qui s'égare parmi les ubbad de cette communauté, et les adorateurs, et il s'égare, il a une ressemblance aux chrétiens. Qatalahumullah. Limada, li'annahu, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala en jahl. Comme ils ont fait le nasara, hatta ils se sont égarés. Fa, ad-dullal, ahlul batil, qadiban wa hadithan, imma leur égarement il est en ilm, wa, ils savaient lakin al-inad wa al-kibri se sont égarés. Qu'al Yahoud, et c'est une ressemblance au Yahoud, imma l'égarement, il est un jahl. Tu trouves ce taqsim fi surat al-Fatiha. Ghayr al-maghdoubi alayhim wala al-dallin. Hada, c'est un mital pour vous montrer que hadihi sura fi al-haqiqa englobe tous les sens. Lakin min haytha al-ijmal. Ça ne sera pas détaillé, lakin ça t'aura un aperçu fi surat al-Fatiha. Bel taqaddam ma'ana dans le premier dars, kalam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. أنه إلى دمتخ أنها سأنغلب لمعاني ذو الكتب المنزلة باك القرآن أي من حيث التوحيد والجزاء إلى آخره. فلا شك أن تو سلا سيتي بالإجماع في سورة الفاتحة. من هنا، à partir de là, on comprend mieux l'importance de cette sourate. لأنها سأم القرآن. فcelui qui comprend هذه السورة, ça va lui ouvrir des abwab كثيرة في العلم, في علم التفسير. هذا c'est مهم. قال ولذلك سميت أم القرآن. Il a cité في الحاشية أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. Et on a cité من حديث نعم أبي هريرة رضي الله عنه. Et on a cité الحديث. قال والمرجع للشيء يسمى أما. الأم ils traduisent par la mère. Lakin en langue arabe, l'homme c'est plus vaste. L'homme ça peut être la mère des enfants, on l'appelle homme. Et كذلك يطلق على المرجع للشيء. C'est pour ça qu'on appelle Mecca أم القرى. Et كذلك الفاتحة أم القرآن. هذا أم القرآن. Et on a rajouté des noms. ولله الحمد. قال شيخ العثيمين وهذه السورة لها مميزات تتميز بها عن غيرها. أولا يعلم أن هذه السورة سأفضل السور. شيخ العثيمين الآن va citer quelques points pour te montrer la différence entre cette sourate et d'autres. لا شك أن القرآن كله كلام الله عز وجل, لكن cette سورة سأفضل السور, كما أن آية الكرسي سأفضل الآيات. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبرك بأفضل القرآن, قال فتلى عليها الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à un de ses compagnons ألا أخبرك بأفضل القرآن, est-ce que tu veux que je t'informe بأفضل القرآن, أي la meilleure سورة في القرآن عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a récité الحمد لله رب العالمين, أي سورة الفاتحة. الحديث رواه الإمام النسائي رحمة الله عليه وصححه الشيخ مقبل رحمه الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوري والذي نفسي بيده, أي الله سبحانه وتعالى إلى جوري par الله عز وجل, أن ني في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور, tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à ses messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a jamais révélé une sourate comme sourate al-Fatiha. Ça montre que c'est afdal as-sour. Al-hadith le deuxième rawah al-Imam al-Tirmidhi wa hassanahu al-Sheikh Muqbil wa hakada al-Imam muhaddith al-Asr al-Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi. Hada c'est min al-mumayyizat, ay les différences entre cette sourate et les autres. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a ajouté des choses. Naqra qala minha annaha ruknun fi salawat allati hiya afdal arkan al-islam ba'da ash-shahadatayn fala salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim an Ubadah Ubadah ibn al-Samit radiyallahu anhu. Ça montre que hadhihi as-sura elle se différencie des autres dans certains points, et parmi ces points as-salat. فالسلوي كيف الصلاة يغسط بالفاتحة لوخ كلا القدرة فالصلاة لبا أكسبتي. أما لزوت الصور فس من باب الاستحباب. أما الفاتحة سان ركن سان بلي لابد من قراءتها بيان سيخ سلوي كي القدرة. ومنها أنها رقية كذلك سين رقية. في الحقيقة هذا سيبا كبغ الفاتحة, لكن اسمع قال إذا قرأ بها على المريض شفي بإذن الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللدغ, أي الذي لدغ ملدوغ عندي كذلك, أي celui qui s'est fait piquer. الحديث كما قال في الحاشية سي قصة مع أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه إلى في الرقية une personne et cette personne elle s'était fait piquer. أبو سعيد الصحابي الجليل رضي الله عنه il a récité sur cette personne qui s'est fait piquer sourate al-Fatiha et il a été guéri بإذن الله جل وعلا. قال للذي قرأ أو قرأ على اللدغ فبرئ وما يدريك أنها رقية. الحديث قلنا إلى الصحيحين. قال ابن رجب une précision هنا qu'on a faite لكن on répète. قال رحمة الله عليه فالقرآن كله شفاء. C'est pas que pour الفاتحة هذا. القرآن كله شفاء. والفاتحة أعظم سورة فيه فلها من خصوصية الشفاء ما ليس لغيرها. هذه فائدة طيبة أن القرآن كله شفاء، كما قال عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. C'est une guérison pour les croyants. Vu que سورة الفاتحة c'est أفضل الصور، فكما قال ابن رجب رحمة الله عليه فلها من خصوصية الشفاء أكثر من غيرها من الصور. Ça nous montre, ya ikhwan, et on ne doit pas être négligent fi hada, anna si on est malade, ou un de nos proches il est malade, on n'a pas besoin de directement appeler wahed de l'extérieur, ou penser que celui qui récite beaucoup de Coran c'est forcément afdal, ou avec telle voix, ou fulan. Là, as-salaf il ne faisait pas hakada. On ne doit pas négliger hada. Sourate al-Fatiha fiha baraka, wa naf'un bi'idnillahi azza wa jal. Walillahi alhamd, chacun de nous il sait réciter al-Fatiha. Imma tu fais sur toi-même ou sur un de tes proches, on n'a pas besoin d'ouvrir hada al-bab, c'est un bab fitna. Appeler fulan qui fait al-ruqya, ka'annahu il est mutakhassis fi hada, thumma ba'd al-awam ils ont une aqida, annahu al-shifa, c'est forcément fulan qui doit réciter et c'est un bab shar. Voilà. Alhamdulillah, on commence par les choses simples que tout le monde maîtrise, on récite surat al-Fatiha. Walillahi alhamd, celui qui récite surat al-Baqara ou ghayri dhalik min al-Qur'an, c'est une ni'ma, lakin on n'ouvre pas un bab que les salaf ils n'ont pas ouvert. Et fait la haqiqa, ce sujet ça demande une nasiha ou les ulama alhamdulillah nabahu, lakin ça doit être traité pour que ça soit compris. Ma yata'allaq bil ruqya, lana ba'd an-nas al-an yutajirun, c'est devenu un métier et ils ont ouvert un bab shar. Et ba'dhum ils font ar-ruqya aux femmes et il y a de la mixité, ça a ouvert un bab de fitna qui avait pas à l'époque des salaf. À l'époque des salaf, tu trouvais abadan un endroit mahal pour ruqya, abadan. C'est ce qu'il y a de nos jours. Et al-haqiqa c'est fondé sur l'argent et il y a beaucoup de fitan, khassatan avec an-nisa. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, donc il a cité deux points, annaha c'est un rukn fi as-salah et كذلك annaha ruqya. Ibn Rajab rahmatullah alayhi, on a lu son kalam qui précise ay ash-shifa fiha inshallah il est akthar wa illa fa al-quran kulluhu shifa. قال رحمة الله عليه وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه الصورة بدعة. On conclut cette première partie. Cheikh Al-Uthaymeen ينبه أن بعض الناس vu que cette صورة elle a un fadl عظيم عند الله et chaque mu'min il aime cette صورة. فبعض الناس للأسف ils se limitent pas au ilm. قال الله قال الرسول. Dès quand ils aiment une chose ils se font avoir par العاطفة, les sentiments. فلهذا بعض الناس ابتدعوا المولد النبوي. Pourquoi? لأنهم يزامن النبي صلى الله عليه وسلم. On a aucun doute أن ceux qui font المولد الأصل c'est qu'ils aiment النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الدين il est fondé sur des preuves. قال الله قال الرسول. فالفاتحة نفس الشيء. Vu qu'elle a une منزلة عظيمة عند الله, بعض الناس tellement qu'ils aiment cette sourate ils font des bid'a. قال شيخ ابن عثيمين فصاروا يختمون بها الدعاء. Quand ils font الدعاء, ils finissent دائما الدعاء. Et ربما vous avez déjà vu هذا عند بعض العوام. À la fin de الدعاء, ils lisent ensemble le فاتحة. هذا سمين البدع. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais fait هذا. والصحابة رضي الله عنهم ils ont jamais fait هذا. Il y a aucune preuve على هذا. On n'a pas le droit d'inventer une chose. خاصة أن هذا الفعل الآن il est fait باستمرار. Ils font الدعاء, à la fin il faut réciter le فاتحة. حتى si الفاتحة n'est pas récité, ربما أنكروا على الشخص. Pourquoi il récite pas? Et هذا سبب البدع. قال شيخ ابن عثيمين فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات. بعضهم صحيح حتى الخطبة au début il récite الفاتحة. Et هذا سمين البدع. As-sunnah c'est de réciter khutbat al-haja comme il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou mayassar, celui qui ne connaît pas ou qui récite quelque chose. Lakin, mulazamat qira'at surat al-fatiha à chaque début de khutbah, c'est bab al-bida'. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Hadith Aisha radiyallahu anha qu'on a étudié ensemble fi al-arba'in. Qala rahmatullah alayhi wa hada ghalat. Naam, c'est une erreur. Kadhalik ba'duhum. Pour que le contrat de mariage, c'est un shart pour qu'il soit sahih, il faut réciter le Fatiha. Et ça, c'est min al-bida'. Il n'y a aucun lien entre le contrat de mariage et surat al-Fatiha. Là, nous conseillons nos frères, on conseille les musulmans. Annahum, ils donnent de l'importance à cette sourate. Walillahi alhamd, ils aiment cette sourate. Faites des efforts pour apprendre le ma'ani. Amma l'accrocher dans des cadres, il n'y a aucune fa'ida. C'est min bab al-bida' ou al-muhdathat. Réciter, que ce soit lors du contrat de mariage, ou à la fin de ad-du'a, ou wa'aduhum, ils font des sadaqat, fil masjid, ils mangent, d'où à la fin, ils récitent tous le fatiha. Tout ça, c'est min al-bida'. Al-Fatiha fiha fa'ida azim, celui qui la comprend et qui la met en application. Et fil haqiqa, dans surat al-Fatiha, raddun ala hadhihi al-bida'. Aïn, tfaddal. Wala ad-dallin, qala 'azza wa jalla. Chaque fois qu'on fait salat, chaque fois qu'on récite al-Fatiha, on dit ihdina as-sirata al-mustaqim. Aïn, la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا سي من الضلال, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله. فسي اون دوموند هؤلاء من اين جاء هذا, اي ريسيتي الفاتحه دون تل مناسبه او ديبي دلا خطبه, من اين؟ يا اوكان دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يابلي هذا الشيء ضلال. فانا با لو في الحقيقه لا ريبونس في الفاتحه, لكن ما من مصيبة, ما من مخالفة, ما من بدعة, السبب الرئيسي سي الجهل. فهؤلاء لا تظن أنهم يزنب الفاتحة, بل تسكفون سكيلبوس هذه المحبة. لكن المحبة يفولا ليميتي بالكتاب والسنة, ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. On doit faire attention في حال الغضب أو في حال الفرح. On aime une chose, on fait attention au bida'. Et كذلك باب الحزن والغضب. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de bida' dans deux situations. Tout ce qui est lié au mariage et à l'akhir, il y a beaucoup de bida'. Pourquoi al-farah? Les gens, ils sont tellement contents, ils inventent des choses. Et كذلك باب الجنائز. Tu trouveras beaucoup de bida'. وقرأ آخر كتاب العلامة الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أحكام الجنائز. À la fin, il a cité un chapitre sur le bid'a qui sont faites fil janaïs. Il en a cité des dizaines, rahmatullah alayhi. Limada, les anna la tristesse. Et les gens, ils se maîtrisent plus. Et des bid'a. Qala Cheikh Nu'aymin, rahmatullah alayhi, wa hadha ghalatun tajiduhu mathalan idha da'a thumma da'a qala liman hawlahu al-fatiha. Sahih. Ils font du'a, thumma wahid, il dit al-fatiha. Il lève sa voix, il dit al-fatiha. Et tout le monde doit rester al-fatiha. Il lève les mains, ils restent tous al-fatiha. C'est min al-bid'a. Ça serait un khayr. النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفزع خطبة الجمعة يغسيت بالفاتحة أي أدب الخطبة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم à son époque il se mariait, il s'est marié عليه الصلاة والسلام, les compagnons ils se mariaient رضي الله عنهم, il récitait pas le Fatiha lors de pour faire le contrat de mariage il a آخر. لماذا il faisait الدعاء à leur époque؟ ولا شك بل c'est أفضل من دعا ربه صلى الله عليه وسلم. Et il ne lisait pas le Fatiha. Ça nous montre que ça ne fait pas partie de notre din. Et on n'a pas le droit de rajouter des choses, même si on aime la chose. Il y en a six mois, je rajoute, toi tu rajoutes, un troisième il rajoute, on perd notre din, comme ils ont fait. Al-Dhaloun, qui sont cités dans Sourate al-Fatiha. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa ba'd an-nas yabtadi biha fi khutbihi ou fi ahwalihi, wa hadha aydan ghalat, li'anna al-ibadat mabnaha 'ala al-tawfiq, 'ala al-tawqif wa al-ittiba'. C'est une règle. Et on l'a vu ensemble, walillahi alhamd, plusieurs fois. Anna hada ad-din, at-ta'abbud, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fondé sur at-tawqif. At-tawqif, ça vient de waqafa, qif. Arrête-toi, stop. C'est ça, at-tawqif. Ne pas confondre avec at-tawfiq. At-tawqif, al-ibada, elle est fondée sur hada. On n'a pas le droit. La yajouz de adorer Allah subhanahu wa ta'ala sauf si t'as un délit. Ou illa si on ouvre le bab, c'est grave. Mathalan, wahid, demain il va venir et il va dire ana, je fais salat al-duhur 5 raka'at. Un autre il va dire il faut jeûner Ramadan et le mois suivant. Et on perd notre dîn comme ils ont fait al-Nasara, al-Dhullal. Fa al-Muslim, sa ibada est fondée sur al-Tawqif. Ou al-Dalil, qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà cité. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه. Celui qui fait une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas fait ou il a pas accepté ou il a pas appelé, son amal il est rejeté. Même s'il a une bonne niya, même s'il veut du khayr, même s'il aime Dieu, son amal il est rejeté. Limada li anna Allah azza wa jal arsala rasoula wa anzala kitaba pour être suivi. Qala azza wa jal ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasoul. Amma si chacun invente Dieu, on n'aura plus de Dieu. Hada il va ajouter, hada il va enlever. La. Enfin, même si on aime une chose, on se pose toujours la question, est-ce que cette chose qu'on va faire, il y a une source, il y a un dalil, il y a une preuve? S'il n'y a pas, alhamdulillah, on ne fait pas. Et فالحقيقة, si on fait toutes les choses, ou qu'il y a des preuves, min kitab illah wa min sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, on n'y arrivera pas. Enfin, ma balouk, on va rajouter des choses, inventer et perdre notre temps. Et ce n'est pas qu'une perte de temps, c'est des ma'asi et c'est du ithm. عند الله عز وجل نكتفي بهذا القدر حياكم الله.